Permettons au président, puisqu'on va rapidement sortir, président, je ne voudrais pas cadenasser ou alors contrôler votre intelligence. Je voudrais simplement que vous puissiez mieux nous éclairer sur cette situation tunisienne. Que doit-on en savoir davantage à votre niveau? D'abord, je commencerai par quelques questions de forme sur à l'égard de ma soeur que j'aime beaucoup, Madame Lavoie, qui tout à l'heure a convoqué la transition dans le monde mise en place par la Chine et la Russie. Et en excluant l'Afrique, c'est-à-dire les panafricanistes. C'est une erreur de dire qu'il y a une transition qui est mise dans le monde sans le panafricanisme. Parce qu'avant la Russie et la Chine, nous avons annoncé c'est la chute de l'Occident. Nous avons dessiné les contours de cette chute avant tout le monde. Donc, nous avons préparé cet événement-là, nous l'avons pensé, nous l'avons encadré, nous l'avons dit au monde, nous avons brisé le mythe de l'invincibilité de l'Occident ici par la parole. Avant tous ces événements-là, l'événement en Ukraine ne sont que la conséquence du travail qui a été fait ici pendant 10 ans. Donc, si on nie ça, si on a honte de ça, on ne va pas assumer ça, ben c'est grave. Qu'est-ce qu'on vient faire sur le plateau de l'Afrique média? Les Chinois et les Russes nous doivent ça. Ils le savent. Ils le savent. Donc, il y a des choses. C'est ça aussi la bataille de la défense, n'est-ce pas, de l'homme africain noir, de l'homme noir. Ces choses-là, il faut faire attention. Il ne faut pas toujours. Ce complexe-là de vouloir toujours inférioriser l'Africain noir, de vouloir toujours même lui arracher ce qu'il a fait, de vouloir toujours le subalterner. Il faut guérir de ça. Après ça, c'est là parce que les gens font les guerres que tout ça et qu'on sort, que ça veut dire que c'est eux qui sont devant. La force fait l'histoire, oui, mais la force, elle nous met la conséquence, quelque chose qui lui est supérieur. Esprit. On a manifesté l'esprit ici pendant 10 ans, Fabrice Ndo, pendant 10 ans. Nous avons déconstruit ce mythe-là en mettant l'Occident à sa place, par la parole. Alors, donc, quand j'ai dit ça, je voudrais. Sur cette question, je voudrais, là aussi c'est la question de forme. Le christianisme n'est pas une religion occidentale. C'est démontré scientifiquement. Le débat est clos. Comme l'islam, les fondateurs de l'islam ne sont pas des arabes blancs. C'est démontré aujourd'hui. Donc, une chose, elle est dénoncée. L'occidentalisation de certaines religions. Autre chose, est de nier, n'est-ce pas, l'origine réelle de ces religions-là. L'Occident n'a jamais pensé un dieu du genre humain dans son ensemble. Il a toujours emprunté. C'est démontré. L'Occident n'avait même pensé un dieu de tout l'ensemble du genre humain. Il ne peut pas le penser, parce que c'est au-dessus de sa nature. L'idée d'un dieu universel du genre humain n'est pas occidentale. Il s'en est approprié pour des besoins de la géopolitique. Donc, tout comme l'arabe, c'est une création géopolitique. Le mot arabe, c'est quoi? C'est un peuple arabe? Quoi? Est-ce qu'il y a un peuple arabe? Et une culture arabe qu'on a géopolitisée, comme les juifs. Les juifs, c'est plus qu'une culture, un ensemble de pratiques. Vous dites? Il acquiesce votre lecture. C'est plus qu'une culture qu'un peuple, pour des raisons géopolitiques. Pour des raisons géopolitiques. Vous faites très attention. On sait très bien ce que veut dire les Saouds d'Arabie Saoudite, devenus gardiens de lieux sûrs. On les a créés pour la circonstance, pour un rôle précis dans le Moyen-Orient, qui est une création géopolitique des puissances occidentales. Pas seulement pour les besoins du pétrole, mais pour les besoins de contrôle religieux des peuples. Faites attention. Tout comme, attention, il y a ce qu'on appelle l'occidentalisation du judaïsme. Le judaïsme originel est un fils naturel des Égyptiens noirs. Donc on a occidentalisé le judaïsme pour des besoins de la création de cette culture juive, pour lesquels maintenant il faut créer un peuple juif. Fabriquer le peuple, on connaît ça maintenant. Il y a les éléments, il n'y a plus de débat là-dessus. Donc tout ça, ce sont des deals géopolitiques. C'est un deal géopolitique qui remonte à très loin. Qui remonte de très loin. Et par rapport à ça, quand j'ai dit ça donc, moi je vais vous convoquer de le maître, vous allez comprendre que ce n'est pas une affaire isolée. qui se passe là en Tunisie. Pas une affaire isolée. D'abord, ça participe du consensus mondial qui unit tous les peuples en dehors d'une certaine mesure, les Russes. Le consensus anti-nègre. Parce que quand, si il n'y a pas de consensus, beaucoup de peuples qu'on a créés géopolitiquement cessent de remplir leur rôle historique au profit de l'Occident. Je vais aller même plus loin. Ça participe de ce qu'on appelle, là maintenant c'est l'autre niveau de la géopolitique, le malthusianisme culturel. Ça veut dire quoi? Démographique. Parce qu'il y a deux dimensions de malthusianisme. Il y a diminuer la population mondiale par la science. On continue les thèses originaires de Thomas Nauvel, Malthus, qui lui comptait sur les catastrophes et contre pour diminuer la population. C'était naturel. Maintenant, les Occidentaux ont géopolitisé ça en créant les catastrophes par la technologie. Pour des raisons géopolitiques. Mais il y a le malthusianisme démographique à un autre niveau, sur le plan culturel. Il s'agit que quand pour une population minoritaire dans l'histoire, et qu'elle a une position de domination géopolitique, il lui faut fabriquer, il faut diviser au maximum le peuple pour essayer de contrôler, de gérer sa minorité démographique. Donc on crée des peuples. On va créer le peuple arabe, on va créer les Tchétchènes, les Juifs, on crée des peuples. Vous croyez que c'est grave? Mais l'enjeu ici, c'est la fin d'une domination. Les gars sont prêts à tout. Et ceux qu'on a créés pour les besoins de la cause, sans qu'on les a créés pour ça, ils jouent son rôle historique. Parce qu'ils ont un lieu, ils se retrouvent. Faire le jeu. Regardez à l'heure actuelle. Vous avez mis ici. J'arrive sur ce voyou. Alors, vous avez ici un musicien africain noir, Kevin Hart, qui va faire un concert en Égypte. Tout à fait. Et par exemple, le concert, il rappelle que l'Égypte est un des rois pharaons pharaoniques. Le concert est interdit. Annulé. Absolument. Annulé. Sous prétexte de problèmes logistiques locaux, le concert est annulé. Et il est critiqué parce que il s'est investi dans une série animée produite par Black Sun Entertainment qui promeut des idées afrocentriques. Regardez à quel niveau on se trouve. On parle là de l'Égypte. Ben, je suis en train d'arriver. Le Québec. Vous devez comprendre que c'est un problème sérieux. Et que monsieur, ce voyou que vous appelez président tunisien, il est dans une division du travail dont il est absolument bien conscient, contrairement à ce que dit Jonathan. Il est bien conscient de sa vision de cette division du travail. Parce que les Égyptiens là, arabes là, pourquoi ils veulent nier une évidence historique comme celle-ci? Surtout que dans leur propre pays. Pourquoi ils veulent nier ça? Mais il y a des gros intérêts. Vous jouissez d'un héritage qui n'est pas celui de vos ancêtres, historiquement réel. Vous jouissez de ça. Ça vous rapporte des milliards. Ça vous rapporte beaucoup d'avantages géopolitiques. Le deal géopolitique entre l'Égypte et le USA sur le plan militaire, c'est pas seulement basé sur la stabilité de la région. Il y a ça derrière, monsieur. Bien sûr, besoin. Et c'est plus profond. Vous voulez qu'on aille loin? Les francs-maçons sont derrière ça, c'est plus profond. Il y a des gros enjeux, on va aller plus loin. On va aller. Les super loges, les blanchis. Vous voulez qu'on parle? Les super loges, c'est-à-dire que tous les loges là réunis, qui veulent parfois le monde là, derrière tout ça. Et si vous convoquez l'antiquité nègre de manière fondamentale, ils perdent tout leur pouvoir. Surtout au niveau des religions. Ils perdent leur pouvoir. Pourquoi on peut interdire à une mission de faire un conseil parce que c'est seulement convoquer une vérité historique qui est devenue une vérité de la palissade? Ouais. Pourquoi on peut faire ça? Regardez à quel niveau c'est brimé, à quel niveau c'est surveillé. Le consensus anti-nègre. Voilà pourquoi, lors du dernier congrès que nous avons fait, à Douala, nous avons confié à ce monsieur un travail sur Planète Terre, village négro-africain. C'est pas un jeu, nous savons ce que nous faisons. C'est pas un jeu. Mais sans verser dans certaines excentricités qui ne sont pas nécessaires. Donc là, c'est une division de travail qui est claire. Le voyou tunisien sait ce qu'il fait. C'est un criminel. Justement, pourquoi j'ai dit. C'est un criminel. J'ai dit président qui n'est pas. C'est pas la mauvaise foi. Oui, il sait ce qu'il fait. C'est un consensus géopolitique. Bien arrangé. Il faut toujours faire croire qu'il y a un peuple arabe qui peuvent revendiquer une antériorité en Tunisie ou en Égypte ou partout. Des berbères se passent pour arabes, c'est pas vrai. Donc il faut effacer la trace du noir partout. Pas seulement ici, même en Chine partout. Même au Cameroun, vont le faire. Un jour. Il y a plus de 600 millions de noirs en Asie. Et ces gens le savent. Toutes ces religions-là, confusques, machin, consorts, tous ces gens-là, qui les a enseignés l'idée d'un Dieu unique? Qui les a enseigné ça? Dans les temps anciens, l'idée d'un Dieu unique était fondatrice de la civilisation. Mais alors, partout là. Voilà pourquoi partout, ils avaient des noix partout là. Il y a un problème. Il ne faut pas rappeler certaines choses. C'est un consensus géopolitique de niveau mondial. Satanique et diabolique. Et ça pour origine, la création de ce peuple juif là. Dans la mesure où je vous rappelle que le judaïsme, c'est le fils naturel de l'Égypte antique. Mais il a fallu l'occidentaliser, blanchir le judaïsme, l'occidentaliser, pour des raisons géopolitiques. Donc il n'y a pas ce voyou, ce criminel-là. Et c'est ce qu'il fait. On a pris acte tout. Comme on n'a pas de dirigeants qui sont sérieux, on prend acte. On va se rencontrer un jour. Il répondra. C'est un criminel. Je l'ai appelé chien sur un plateau. C'est pas un président ça. Moi je ne peux pas l'appeler président. Donc c'est une claque. Tout à l'heure, je l'attends autour de convoquer la Banque mondiale FMI. Oui, il est sous pression, la Banque mondiale FMI. Sous pression. Sous pression, il est là-dessus. Donc le travail est bien partagé. Pourquoi nos frères d'Égypte ont peur de rappeler une vérité historique élémentaire? Ça va faire quoi? Dieu l'a bien vu comme il est envoyé là-bas, il est chassé. C'est ce que le Caïs veut dire. Mais c'est parce qu'il y a un consensus. C'est clair et net. C'est clair et net, mais ils veulent arrêter le vent avec les mains. C'est pas possible. On n'arrête pas le vent avec les mains. Donc, c'est ça qu'il faut comprendre très bien. Maintenant, pour le cas Ambaro, vous l'avez bien traité, c'est le tout autre petit voyou qui continue à jouer avec l'Afrique, petit Ambaro là. Vous savez, les gens vides, hein. Une catastrophe pour les pays africains, c'est l'arrivée aux gens au pouvoir des gens vides. Beaucoup de gens vides deviennent présidents en Afrique. Beaucoup de gens vides et vaut rien deviennent présidents en Afrique. Ça, c'est une vieille tradition occidentale sur le plan géopolitique. Mettre des voyous, des feignants à la tête des pays africains. Quand quelqu'un est vide, il veut se faire reconnaître par ceux que l'on placé, ou bien par ceux dont il estime que la légitimité vient de là. Tout à fait. Depuis que ce monsieur veut se faire reconnaître comme étant quelqu'un d'important dans la scène géopolitique, il dit n'importe quoi et il passe son temps à taper sur ses frères. Voilà un monsieur qui prétend aller arranger une affaire. Il tape sur la victime et il protège le bourreau. Dans la pure tradition des négriers. On a mal compris, il dit qu'on a sûrement mal interprété. Je dis que sa mission en Guinée-Bissau, vous allez voir, s'il est confronté à son frère de Guinée-Bissau, avec qui il a un problème, il va pas faire comme ça, il va pas dialoguer comme ça, il va chercher à le tuer. Il va le tuer. S'il a fait un vrai opposant, il va chercher à le tuer. Mais quand c'est avec des gens comme ça, avec qui ils ont des deals géopolitiques et géopolitiques dans leur loge. Donc il va prendre un pour sauver le bourreau. Il s'en fout de la victime. Pourtant, lui-même est la victime. Oui, donc il y a des noirs. Et bien là, il a dit tout à l'heure, pour la parole, beaucoup de noirs ne sont pas des noirs. Ce n'est pas la peau qui fait un noir. Si c'est le cas, dis-moi, un ballon n'est pas noir. Il n'est pas noir. Les bébés sont des Africains. Il n'est pas à ce niveau, Jonathan. C'est établi, ce n'est pas un débat. Qui peut nier ça? Tu allais te mettre à l'aise. Madame Labouy a reconnu, c'est ce que tu as dit. Elle a reconnu ça, elle les a validés. Mais ne parle pas à ce niveau. C'est réglé. Je pose une question. Ambaro est noir, non? Il n'est pas noir. Bon, qu'est-ce qu'il allait faire là? Qu'est-ce qu'il allait faire là? Ils sont très nombreux. Ils sont très nombreux. Tout à l'heure, tu as dit une chose importante quand tu as parlé pour l'Afrique qui défend l'espèce humaine. Parce que nous avons plein d'Ambaro chez nous. Ils sont des millions. Tu vois, il allait sauver son frère. Pas de peau, mais ton frère d'intérêt. Et d'idéologie. Non, c'est quelle idéologie? C'est ce que c'est. Son frère d'intérêt. D'intérêt et son frère ésotérique. Ils ont des deals, le deal de ça. Il va sauver. Et comme les autres Africains sont des malheureux, ils ne sont pas dans les loges, ils sont corrigés. Ils marchent sur le canal pour aller s'entendre avec son frère. Voyou, deux voyous se rencontrent. Asie nous fricains. Oui, deux voyous se rencontrent. Alors dit les gens marchent par catégorie. Mais bien sûr. Mais il faut assumer ça, tu as peur de quoi? Non, pour sortir rapidement. Mais ça t'est sorti, non, je vous coupe pas, présent, je vous en prie. Donc, c'est ça que je pouvais ajouter dans ce débat qui était extraordinaire. Uh-huh. Donc les gens ont des stratégies. Ils sont malthusianistes sur le plan géopolitique. Ils utilisent la science et le levier culturel. Attention, c'est très profond. On crée beaucoup de peuples, on les crée pour créer des divisions, Parce que plus on divise, une minorité peut être majoritaire dans un champ où il a divisé les gens, il devient majoritaire. Alors qu'il est minoritaire. Parce qu'il a une phobie, ne soyez pas unis. Le principe de la démocratie. Voilà, c'est ça. Parce que le jour où nous allons unifier, le jour où nous allons unifier l'espèce humaine autour de sa vraie réalité nègre, il y aura en face l'immense majorité des humains et une minorité des criminels. On va les liquider en deux jours. C'est leur phobie là-bas. Ils créent des divisions partout. Partout. Donc, je voudrais terminer en faisant un rappel ici qu'on oublie un peu. Il y a notre ami Poudassé Nestor, à qui je pense aujourd'hui. Je ne sais pas s'il est libre. Il attend tout de chargé de suivre ça pour nous. Il n'est pas encore libre. Il n'est pas encore libre. Bon, le président de la transition du Burkina Faso, le capitaine Traoré, nous, on ose encore vous interpeller du haut de votre majesté présidentielle. Penchez-vous sur le cas de notre frère. Nous ne savons pas ce qu'il a fait de grave. Est-ce que aimer son pays, c'est un crime? Non. Est-ce que défendre son pays, c'est un tort? Non. Bon, mon autre frère, Poudassé Nestor, est en prison. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il fait en prison, monsieur le président? Avec tout le respect que nous avons pour vous, penchez-vous sur le sort de monsieur Nestor Poudassé. Nous, panafricanistes, nous sommes très attachés à lui. Nous ne voulons pas entrer en conflit avec le président de Burkina Faso, que nous respectons énormément. Et que nous aimons. Respectons et aimons énormément. Mais Poudassé est notre frère. Exactement. C'est notre frère de combat. Et nous, on ne veut pas laisser qu'il soit embastillé injustement pendant longtemps. Par les réseaux françafricains dans son pays. C'est le président. Ne faites pas. Je pense que vous êtes très conscient de ça. C'est d'ailleurs pour ça que nous vous aimons et vous respectons. Ne faites pas l'erreur. À chaque instant, à quelque instant possible, comme votre prédécesseur. Vous êtes un grand homme. Nous avons beaucoup de respect pour vous et pour le grand peuple burkinabé. Poudassé a pratiquement donné sa vie pour son peuple. Il ne peut être en prison parce que quelques réseaux de Français, France-Africains manœuvrent pour écarter quelqu'un qui... qui sont cachés pendant le procès et tout, qui manœuvrent pour écarter un adversaire gênant pour eux, mais utile pour vous, monsieur le président. Nous vous prions, monsieur le président, du haut de ma petite voix, de vous pencher sur le sort de Nestor Poudassé. Parce qu'elle est en prison comme ça, nous m'en souffrons dans notre chair. Nous vous remercions, monsieur le président, de la transition Burkina Faso, d'accorder une petite attention à notre petit message. Merci. Merci infiniment au président Madakani, professeur Jean-Paul Mbeller, merci Jonathan, Charlie Kenny. Il y a beaucoup de téléspectateurs qui nous ont écrit pour demander votre adresse Facebook. Je crois qu'on leur a passé le nom Charlie Kenny officiel. Officiel, voilà. Charlie avec Y. Il écrit trop, je vais arrêter sa manière. Charlie Kenny, c'est K-E-N-G-N-E. Charlie, c'est C-H-A-R-L-Y. K-E-N-G-N-E, la barre des six officielle. Voilà, il faut dire donc que le nom de ce juif qui a d'ailleurs donné l'ordre de massacrer tous les Noirs, voilà, c'était du nom de Saïf Ibn Di Yazan. Saïf Ibn Di Yazan. Merci à vous, très cher monsieur. On est allé au-delà du temps imparti à ce programme. C'était pour vous permettre d'en savoir un peu plus autour de ces faits d'actualité. La palabre intellectuelle qui se referme. On se donne rendez-vous pour une nouvelle édition du débat africain. Maintenant, vous pouvez, bien entendu, vous lever de votre fauteuil. Ça, c'est bien. Afrique Média, le monde, c'est nous.